Vous pouvez prendre vos Bibles ce matin dans l'Évangile de Luc 6, si vous voulez bien. Luc 6. Il y a eu un débat, il y a encore un débat dans nos églises évangéliques. Quel est le sens du mot disciple? Il y a différentes opinions là-dessus. Je me souviens à un moment donné, j'étais avec un de mes professeurs et il a commencé à parler comme ça, puis j'avais l'impression, personnellement, qu'il utilisait le mot « disciple » pas dans la bonne façon, pas avec la connotation que je pensais que le Nouveau Testament allait. Et comme j'étais un élève indiscipliné, j'ai levé la main et j'ai dit « m'excuse, mais j'ai l'impression qu'on s'en va pas dans la bonne direction si on prend le mot « disciple » avec cette interprétation-là. » Oh, que j'ai pas eu une bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, mon disciple? Si je prends le dictionnaire, il donne un dictionnaire de synonymes. Écolier, élève, partisan, adhérent, militant, affilié, membre, prosélyte, fidèle, adepte, apôtre. C'est tous des synonymes du mot disciple. Quand j'étais dans l'église où j'ai été sauvé, il y avait une petite phrase qu'on entendait souvent. C'est pas tout d'en faire des croyants. Il faut en faire aussi des disciples. Et que j'ai entendu ça longtemps. Je l'entends encore dans différentes conférences, différentes façons, différents enseignements que j'écoute, ou différents livres que je lis. Il ne faut pas en faire seulement que des croyants. Il faut en faire aussi des vrais disciples. Puis là, il y a des disciples, mais il y a aussi des vrais disciples. Là, on met des catégories. Croyants, disciples, des disciples engagés. Puis là, on en met, mon vieux, il y a autant de marches que des... qu'il y en a dans les échelles que j'achète. Pourtant, la Bible ne fait pas aucune distinction là-dessus. Le mot « disciple » dans les Écritures, dans le grec, c'est toujours le même mot. C'est le mot « mathétès ». Ça ne vous dit rien, c'est correct, vous oubliez ça. Qui veut dire, dans l'original, étudiant, élève. Et toute personne qui était dans ce temps-là un disciple de quelqu'un, d'un maître, puis il y avait maître et disciple, n'est-ce pas? Tu n'avais pas de disciple si tu n'avais pas de maître, puis tu n'avais pas de maître. Si tu étais un maître, tu avais un disciple. Tu ne vas pas t'appeler maître si tu n'avais pas de disciple. Tu aurais été idiot. C'est comme je dis, moi je suis professeur, je suis des élèves, bon, j'en ai pas. C'est comme il y a des gens qui se disent, ils se font appeler pasteur. J'ai dit, oui, est-ce qu'il y a ton église? Oh, j'en ai pas d'église. Mais du coup, tu s'appelles pasteur. Ils gardent le titre honorifique. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas m'appeler cultivateur si je n'ai plus de ferme. Je ne peux pas m'appeler berger si je n'ai pas de mouton. J'en ai peut-être déjà eu, mais je devrais abandonner le titre parce que je n'ai plus de mouton. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître dans le seul but de se faire instruire. Dans le seul but de se faire instruire. C'est un étudiant. Et ce mot mathétès est traduit 265 fois par le mot disciple. Une fois par le mot frère. Donc c'est toujours la même traduction, c'est le mot disciple. Oui. J'enregistre votre messe ce matin pour essayer autre chose. Merci quand même. C'est ça, le bien plus que je l'oublie. Et là, le mot disciple, c'est quelqu'un qui vient se mettre au pied d'un maître pour être instruit. Et vous remarquez dans le Nouveau Testament, le mot disciple est employé presque exclusivement dans les évangiles et aussi dans les actes des apôtres. Et ensuite, c'est fini. On ne le revoit plus du Nouveau Testament. Fini. Une des raisons pour ça, c'est que le maître est parti. Le maître est parti. Donc, on n'employait plus le mot disciple. On a commencé à les appeler chrétiens, fidèles, croyants. Mais le mot disciple était terminé. On ne le voit plus de tout le Nouveau Testament. Donc, il semble que ce mot a disparu de l'Église après les actes des apôtres. Ça nous dit quelque chose pour nous autres. Ça nous dit quelque chose. Ça dit, comment ça fait ça, là? Mais Jésus a dit, avant de partir, il dit quoi? Allez dans toutes les nations du monde, faites des disciples. Il n'a pas dit croyants, des disciples. Et quand vous allez trouver un disciple, ça veut dire quoi? Un élève, un étudiant. Baptisez-le. Et ensuite, pendant toute sa vie, enseignez-le. C'est normal? C'est un étudiant. Et vu qu'il est un étudiant, il veut être instruit. Il veut être enseigné. Donc, c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Si je fais un disciple, je dois l'enseigner. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je m'engage dans cette responsabilité-là. C'est comme quand j'ai un enfant, je m'engage à l'élever. Et si je fais un disciple, il faut que je m'engage à l'enseigner. Moi, je dis souvent, non, donne-dis tout ce que tu as. Tout ce que tu as appris depuis que tu es chrétien. Donne-dis. Fallait comme tu pourras. La manière que tu es, avec l'éducation que tu as, avec la personnalité que tu as, donne-dis tout ce que tu sais. Puis je dis aux étudiants, aux élèves, aux disciples, dis quand il y en aurait plus à dire, cherche-moi un autre professeur. Mais n'arrête jamais d'étudier. Donc, si on se dit disciple de Jésus, on est en train de dire qu'on est des étudiants et qu'on veut apprendre du maître. Le maître est en partie, il nous a laissé sa parole pour l'étudier. Donc, des disciples. Si je parle de ça ce matin, c'est parce qu'on va voir ensemble ce matin le côté disciple. On va étudier, on va faire peut-être 2-3 sermons sur les disciples de Jésus. C'est quoi un disciple de Jésus? C'est quoi un disciple de Jésus? Et on va pouvoir nous-mêmes s'évaluer si on est des disciples de Jésus. Je vous dis tout le temps aux gens, n'ayons pas peur de s'évaluer, de se réévaluer. Quand on s'évalue, ça ne nous enlève pas ce qu'on a. Ça fait juste nous dire ce qu'on a. Mais ça ne nous enlève pas ce qu'on a. Mais peut-être que ça peut nous apprendre qu'on n'a pas quelque chose qu'on pensait avoir. Moi, quand j'ai fait des tests, quand j'étais étudiant, je pensais comprendre certaines choses, puis en faisant le test, je me suis aperçu que je ne les comprenais pas. Donc, ça me permettait d'aller chercher les formations que je n'avais pas apprises pour l'apprendre. Des disciples. C'est en comprenant mieux ce que nous sommes en tant que disciples que nous pouvons aller dans le monde et faire des disciples. Parce que vous allez faire les disciples comme vous les comprenez. Vous allez vous reproduire. Hein? Vous allez vous reproduire. On se reproduit dans nos enfants, physiquement parlant. Des fois, je regarde des photos de mes petits-enfants, je dis, que je voulais leur mère, leur père, dedans. Physiquement. Mais des fois, c'est autre chose. Je vois leur côté émotif ou psychologique ou caractère. Ma petite Audrey, là, quand sa mère a dit que je disais faire, des fois, je dis, que ça va, ta mère? Sa mère a dit, non, comment ça que non? Elle a du caractère, mon gars, je la vois piétiner des fois, là. Je lui dis, que tu ressens à ma maman quand tu fais ça. Sa mère était comme ça. Elle venait bleue des fois. Quand elle était plus jeune, elle venait... On transmet du côté génétique aussi une partie de notre caractère. Et quand on est des disciples du Seigneur et qu'on commence à aller dans le monde et faire des disciples, on va reproduire ce qu'on est. On va reproduire ce qu'on est. Donc, l'avantage de bien comprendre notre rôle, bien comprendre ce qu'on est, et d'être des bons étudiants nous-mêmes. Et moi, je dis tout le temps aux gens, plus j'étudie, plus je peux transmettre aux disciples de Jésus. Mais plus j'ai de disciples de Jésus qui viennent vers moi pour m'instruire, c'est vous ce que ça fait? Ça me pousse à étudier. Ça fait les deux sens. Ça fait les deux sens. Donne-moi un bon groupe d'élèves et tu vas le voir, ils vont motiver le professeur à enseigner. Parce qu'ils veulent apprendre. Puis donne un bon professeur, ça va motiver les élèves aussi à apprendre. Ça va dans les deux sens, ça. Ça va dans les deux sens. Et je crois que c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons apprendre. C'est quoi un disciple? Et Jésus va nous l'enseigner ici. En étudiant ce passage, ce texte-là, qu'on ne va pas terminer ce matin, il est appelé le sermon sur la montagne. Et c'est même ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté sur le sujet, parce que même après 35 ans, 30 ans de vie chrétienne, je suis encore un disciple, fait que c'est quelqu'un qui m'instruise aussi. Fait que je vais lire, je vais écouter, je vais apprendre aussi des autres. On n'a jamais fini d'apprendre. Et dans ce que j'ai lu cette semaine, il y avait un débat. Est-ce que Luc parle du même sermon sur la montagne que Matthieu parle dans Matthieu 5? Certains théologiens disent non, c'est deux discours différents parce qu'ils sont différents. Non, d'autres disent que c'est la même chose. D'autres disent que c'est un mélange. D'autres disent que Matthieu a fait sortir le côté spirituel plus Luc plus matériel. Là. Il y a toute une histoire. Moi, je vais vous donner une règle de base. Quand vous étudiez les Écritures, commencez toujours par étudier le texte dans lequel vous êtes avant de référer à un autre texte. Vous êtes dans Luc 6, étudiez Luc 6 sans penser à Matthieu 5. Sans penser à lui. Étudiez-le, sortez de ce que vous comprenez du texte, et après, quand vous l'avez compris, ce que vous pensez que Luc a dit, vous pouvez comparer avec ce que Matthieu a dit. Mais si vous mélangez les deux, vous essayez de comprendre les deux en même temps, vous allez probablement être perturbé un petit peu. Vous avez probablement déjà fait ça, prendre deux ou trois journaux qui parlent de la même chose, de la même événement, et vous allez voir les différents journalistes donner un point de vue bien différent de la même événement. Ou si vous ne lisez pas les journaux, peut-être vous zappez. Ding, ding, ding. Vous passez de CNN à LCN. Vous faites et là, vous voyez les mêmes commentateurs qui parlent de la même événement. Puis vous dites, wop. Ils disent pas tout à fait la même chose. Il y a des nuances. Parce que chaque journaliste a vu quelque chose d'un petit peu différent. Mais on est très clair. C'est facile pour nous de voir qu'ils parlent de la même événement. Mais nous, ce qu'on va faire ce matin, on va essayer de sortir et d'étudier Luc 6, puis pas trop mélanger avec Matthieu 5. Et peut-être que vous, comme moi, vous avez entendu beaucoup plus souvent Matthieu 5 que Luc 6. Quand les pasteurs, en général, prêchent sur le sermon sur la montagne, ils vont choisir Matthieu 5 pour enseigner. En général, c'est ça qu'ils font. Et ce matin, nous... on n'a pas le choix, on est rendu dans Matthieu 6. C'est ça que je trouve agréable d'enseigner un livre, tu ne choisis pas le texte, tu arrives dans le texte, c'est là. Et là, on va regarder ça, et on va regarder cet enseignement de Jésus. Il semble bien qu'il est sur une montagne, mais il n'en nomme pas la montagne. Il est sur une montagne, il va s'adresser à des gens, il va leur parler. Et le texte nous dit qu'il s'adresse à, il parle de ses disciples. Il va s'adresser à ses disciples. Il va s'adresser à la foule de ses disciples. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste des disciples. Parce que peut-être qu'il y a plus que des disciples. Mais Luc dit qu'il s'adresse à ses disciples. Parce qu'il veut qu'on s'arrête là. Il veut qu'on s'arrête là. Il veut qu'on s'arrête et que Jésus parle à des hommes, des femmes, peut-être des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui suivent Jésus et que Jésus s'adresse à eux de façon précise, de façon personnelle. Il y en a combien? On ne le sait pas. Il y en a une foule. Ça veut dire combien? 100? 200? 1000? 2000? On ne sait pas. Moi, on va le prendre comme si c'était à peu près 15, comme nous autres, un matin. Une petite foule de rien. Comme ça, c'est à nous autres. Les disciples de Jésus ont une vie différente des autres. C'est ce qu'on va voir pendant 2-3 dimanches. Les disciples sont appelés à avoir une vie différente des autres. Les autres, c'est ceux qui ne sont pas disciples, bien entendu. Et pour que Jésus... Pour que les disciples aient une vie différente des autres, Jésus va les enseigner. Il va leur dire qu'est-ce que les disciples sont, qu'est-ce qu'un disciple fait, ce qu'un disciple ne fait pas. Afin de, que les gens qui sont là, parce que dans les disciples qui sont là, ne vous trompez pas. Le mot disciple dans l'Évangile ne parle pas toujours de croyants. Faites bonne attention quand vous lisez dans les Évangiles. Dans les actes des apôtres, toujours des croyants. Dans les évangiles, pas toujours des croyants. Dans le sens qu'on entend aujourd'hui. Parce qu'on va voir, Paul en Luc, mais on a déjà vu ce que tu dis avec moi dans l'évangile de Jean. Dans Jean 6, une foule de ses disciples le quittent pour ne jamais plus revenir. Donc le mot disciple ne veut pas toujours dire croyant. Mais c'est des gens qui suivent Jésus et que Jésus instruit. Puis à un moment donné, quand Jésus les instruit, ils disent... Non, on ne croit pas ce que tu dis et ils s'en vont. Je l'ai déjà dit, je vais vous répéter encore une fois. Les disciples de Jésus, les vrais, disent toujours oui quand Jésus enseigne. Ils disent toujours oui quand Jésus dit quelque chose. Oui, nous croyons en ce que tu dis. Oui, nous croyons en ce que tu dis. Oui, c'est ça que nous voulons faire. Nous croyons que tu es notre maître et tu nous instruis. Tu as la vérité, tu es la lumière du monde. On va faire ce que tu nous dis. On va croire ce que tu nous enseignes. Le jour où ce qu'on dit, non, on ne croit pas ce que tu dis, on a un foutu problème. On a un foutu problème. Je ne dis pas que quand on a de la misère à faire ce qu'il dit, c'est une autre affaire, ça. Mais quand on ne croit pas ce qu'il dit, wow, là, c'est dangereux. Et c'est pour ça que vous allez voir des paquets de monde qui disent être des disciples de Jésus. Puis à un certain moment donné dans leur vie, ils vont dire non et partent. Nous on dit, oh c'est des chrétiens, ils vont revenir. Dites pas ce que la Bible ne dit pas. Ils partent, ils s'en vont. Ils disent non à Jésus. Ils ne croient plus ce que Jésus dit. Donc, nous, on va se laisser instruire ce matin, parce qu'on est tous des disciples, on va se laisser instruire par le Seigneur Jésus-Christ, et on va regarder quelques vérités. Il ne va pas tout nous dire, dans 40 versets, il ne va pas tout nous dire ce qu'un disciple est, mais il va nous en donner des grandes lignes, ça va nous aider à comprendre. Premièrement, on va commencer par, les disciples de Jésus ont des privilèges que les autres n'ont pas. On va commencer par le côté positif. Les disciples de Jésus ont quelque chose que les autres n'ont pas. C'est tout du positif. Mais nous, quand on lit les premières fois, on a l'impression que c'est pas si positif que ça. Mais c'est tout positif. Première chose qu'on voit, au verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Le premier privilège du disciple, c'est d'être avec le maître. C'est le premier privilège d'être avec lui. Il n'y a rien dans la vie de tous les jours qui nous affecte plus que les relations. Il n'y a rien qui nous affecte autant. Quand une relation est brisée, ça nous affecte jusque dans nos rêves. Ça nous affecte beaucoup. Si une relation va bien, il me semble que la vie est belle. Si les relations vont mal, peu importe dans quelle cabane on reste, c'est l'enfer. D'accord avec moi? Les relations. Le privilège d'être avec Jésus. Et Jésus dit, « Je vous ai choisi. » Et c'est en choisi 12. Ce n'est pas des extra-spirituels, ce n'est pas des hyper-spirituels, ce n'est pas des gens, « Oh, ça c'est des bons chrétiens, c'est pour ça qu'ils ont choisi. » Ben non, ben non, ben non. Il en a choisi 12 pour être ses apôtres qui étaient pour envoyer devant lui. Mais n'oubliez jamais que dans Jean 17, il a dit à toute l'Église, « Je vous envoie aussi. » Et dans tout le Nouveau Testament, s'il y a une chose qui est claire, c'est que Jésus a choisi chacun, personnellement, tous ses disciples. Ici, il ne choisit pas spécialement des disciples, qu'il a choisi les 12. Il choisit 12 disciples, puis leur confie une tâche spéciale. Mais pas 12 disciples spéciaux ou spéciaux. Voyez-vous la différence? Il leur confie une tâche spéciale, qui c'est d'être des apôtres, des envoyés, mais ce n'est pas des disciples spéciaux. Chacun de nous, Dieu nous confie des tâches spéciales, différentes, dans le corps de Christ. Hein, on a vu ça ensemble. À un, il donne tel don, un autre, c'est la tête, l'autre, c'est... Non, la tête, c'est Jésus. Un, c'est la bouche, l'autre, c'est le nez, l'autre, c'est les bras, l'autre, c'est... Il nous donne différentes parties du corps. Il nous utilise différemment. Il nous confie un rôle différent. Mais nous sommes tous des disciples choisis spécialement, personnellement, par le Maître pour être avec lui pour toujours. Jésus n'a pas habité plus dans Pierre que dans François. Pas plus dans Joanne que dans un autre. Il habite dans chacun de ses enfants. Il est le maître personnel de chacun de nous. Il faut bien comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on va commencer à mettre des marches. Croyant, disciple, super disciple, un grand disciple, un vieux disciple. Là, on commence à mettre des marches. Puis là, on commence, oh, lui est plus spécial que nous autres. Ben non, ben non. Il a un rôle différent que vous. Mais c'est juste un disciple comme chacun de vous. Donc, un des plus grands privilèges, c'est qu'il nous a choisis. Juste pour que ça rentre bien dans notre tête, on va lire quelques versets. Et le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Les élus, c'est tous les croyants. Jésus leur a répondu, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon? » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, et je vous ai choisi. Donc Dieu répète à plusieurs reprises à tous ses disciples, pas juste aux 12, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas les apôtres qui ont choisi Jésus pour les envoyer, c'est Jésus qui a choisi les 12 pour les envoyer. Donc c'est toujours lui qui fait le choix. C'est lui qui vous a choisi, qui vous a donné certaines places dans le corps de Christ. Vous n'avez pas choisi votre place, il vous a donné votre place. Hier, j'écoutais une émission, il y avait une confrontation entre un employé et le boss. Et le boss, à un moment donné, il le regarde bien dans les yeux et il dit, « Hey! On n'est pas dans une démocratie ici. Je suis le boss. Tu fais ce que je te dis ou tu t'en vas. C'est pas clair comme ça. Pas de syndicat, là. Faut pas prendre Jésus comme ça, là. Mais Jésus... Écoutez bien. L'Église, c'est pas une démocratie. Nous, on vote, là, mais c'est pas une démocratie, l'Église. L'Église, il y a un maître et tous des disciples. Il y a un Seigneur et tous des sujets. Il n'y a pas de démocratie dans l'Église. Nous, on vote en démocratie parce qu'on s'est donné ce moyen-là de travailler. Mais vous savez, dans le ciel, il n'y a personne qui va voter. Là. Même les baptistes ne voteront plus. On ne votera plus. Jésus va, Dieu va dire quelque chose et ça va être fait. Ça va être fait. Donc, Dieu a choisi. C'est le privilège d'être choisi. Et deuxièmement, l'autre privilège, c'est son enseignement. Son enseignement. Il les a choisis pour les instruire. Il les instruit. Quel privilège de pouvoir aller voir quelqu'un, d'avoir accès à quelqu'un pour lui parler, pour qu'il nous parle. Et on n'a pas accès à un psychologue seulement. Oui, c'est vrai, Jésus est le meilleur psychologue du monde. Il est le meilleur écouteur du monde. Il a des grandes oreilles, puis il écoute quand on veut parler. Puis il a la meilleure bouche du monde, parce qu'il donne les meilleurs conseils du monde. Jésus, il dit, je veux t'instruire, assis-toi à mes pieds, je veux t'instruire, je veux te dire. Et on peut lui demander, « Hey, Seigneur, qu'est-ce qui est le mieux, ça? Qu'est-ce qui est le mieux, Seigneur? Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans telle situation? » Il nous instruit. Il nous montre. Il n'y a pas plus sage que lui. Jésus dit, « Vous avez un grand privilège à être mon disciple, c'est que je vais vous instruire. Je vais vous instruire. Je vais vous dire la vérité. » Combien de fois depuis 30 ans? Peut-être pas 30 ans, mettons 28 que j'enseigne dans les églises. Bien des fois, je suis obligé de dire aux autres, « Je me suis trompé, je m'excuse, je me suis trompé. » Et reprendre le texte. Je me souviens une fois à Rouen, j'avais enseigné. Puis, en sortant de la chaire, m'en allant masser, parce que j'avais fini d'enseigner, je réalise que j'avais dit une hérésie. Je réalise ça. Je dis, ce que j'ai dit là, ça ne tient pas de bout. Je réalise ça. M'en va chez nous, je prie, non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans ce que j'ai dit. Je réalise, j'instruis, je réétudie toute la semaine, j'arrive le dimanche de suite, je suis chrétien. Bon, excusez-moi, la semaine passée, je vous ai dit quelque chose que c'est pas vrai. On va réaligner ça ce matin. Mais ils me regardent tout. Tu as voulu ce que je voyais dans leur face? Ça fait combien de dimanches demain que tu nous dis que c'est pas correct? Combien de dimanches que tu nous dis des choses pas correctes? Ah, je ne sais pas toutes. Là, je vous le dis parce que je l'ai réalisé la semaine passée. Vous savez, ils m'en voulaient pas pour ça. Pas pour Saint-Saëns. Parce qu'on est tous des êtres vulnérables, n'est-ce pas? Mais quand Jésus enseigne, lui, il ne vient jamais en arrière et dit « Je me suis trompé la semaine passée. » Ce qu'il vous a enseigné il y a 20 ans, c'est encore ça qu'il vous enseigne aujourd'hui. Il ne change pas d'idée, lui. Il ne se trompe jamais dans ce qu'il enseigne. C'est un parfait enseignant. Puis, il est capable de se mettre au niveau de chacun de nous. Il peut enseigner au plus grand génie du monde. Il peut enseigner au moins lettré du monde. Il peut enseigner à des enfants de 5 ans ou à des parents de 95 ans. Il peut enseigner à toutes sortes de monde. Il n'y a pas de différence. Il peut enseigner à un homme ou une femme. Ça ne change rien. Puis c'est une encyclopédie épouvantable. Vous n'avez pas de sujet que vous pouvez approcher qui n'aurait pas de réponse à donner. Il y a tous les sujets enregistrés ici dans sa tête. Il va tous vous donner les réponses que vous avez besoin. C'est un super enseignant. Quel privilège d'être un disciple de Jésus. Troisième privilège, verset 18-19, c'est qu'il y a une puissance épouvantable qui se dégage de lui. Une puissance épouvantable qui se dégage de lui. Les gens accouraient par foule, par milliers. Ils voulaient être guéris de toutes leurs maladies. Et il est marqué que tous ceux qui le touchaient, toute personne qui réussissait à mettre le doigt à quelque part, était guéri automatiquement. Ping! Toum! T'as vu? comme la femme, hein, la perte de sang qu'on a vu, qu'on voit dans les Écritures. Elle marche dans la foule, puis elle se rapproche, puis elle touche le bord du manteau de Jésus. Tum, guérie. Ça faisait 12 ans que les médecins essayaient, il n'y a personne qui avait réussi. Et une fraction de seconde, tum, elle est guérie. Une puissance phénoménale dans cette personne-là. Tu t'approches de lui et tu le touches et tu dis, Seigneur, je me repens et je crois. Il y a la puissance de te ressusciter des morts, de te faire naître de nouveau. Tu passes de la mort à la vie spirituelle. En une seconde. En une seconde. C'est fini. Il fait un miracle qui ne va jamais retoucher l'éternité. Un miracle, tu n'as aucune capacité de changer, toi. Tu n'avais pas la capacité de le faire, tu n'as pas la capacité de le défaire. Mais quand tu es arrivé au relevé et que tu as touché spirituellement, oui, je crois en toi, toute la puissance du monde te transformer en un enfant de Dieu. Quelle puissance! Quelle puissance! Et cette puissance-là, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, cette puissance-là, elle est disponible à chacun de nous. Pour nos propres vies et pour la vie des autres qu'on veut aider. Cette puissance-là, elle est disponible pour chacun de nous. On n'a pas le temps ce matin d'étudier qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette puissance-là. Mais ce que je vous dis, c'est qu'elle est disponible pour chacun de nous. Tous les disciples de Jésus qui suivaient Jésus bénéficiaient de cette puissance-là. Ils bénéficiaient de voir cette puissance-là à l'œuvre dans la vie des gens, dans leur propre vie. Ils pouvaient constater à quel point ce maître-là était différent de tous les autres maîtres de la terre. Il y avait une puissance phénoménale au point de crier à un mort qui pue. « Sors de là, Lazare! Lazare, sors! » Quelle puissance, n'est-ce pas? Quelle puissance! Une fois, j'avais été un peu méchant. Peut-être beaucoup méchant. J'avais parlé avec quelqu'un qui disait qu'il voyait des miracles, des miracles, des miracles. J'ai dit, peux-tu m'en nommer? Peux-tu m'en rencontrer? Des puissances? La manifestation de la puissance du maître Jésus? Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Il t'a vu juste ça? C'est la réponse que je lui dis. Tu as vu juste ça? C'est des poussières par rapport à ce que je vois dans le Nouveau Testament. Ce que je vois dans le Nouveau Testament, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Ce qu'on voit là. Personne ne peut imiter ce que Jésus a fait. Le Seigneur a une puissance pour ses disciples qui est disponible. Il est disponible pour vous et pour moi, et pour toutes les autres qu'on veut influencer par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Les disciples ont un privilège ou des privilèges phénoménaux. D'abord, ils peuvent être avec Jésus. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi j'ai fait ça longtemps. Je le fais encore des fois. Je mets une chaise vide au côté de moi, puis Seigneur, assieds-toi. Assieds-toi, s'il vous plaît. Il faut que je te parle. Je ne sais pas combien de fois je suis dans mon auto tout seul et je parle à voix haute. Et je parle à Jésus qui est assis sur le côté. Je suis convaincu à 100% qu'il est là et qu'il m'écoute, même si mes yeux ne me voient pas. Oh, j'ai bien l'impression que des fois, il a envie de faire ça. Parce que François dit des choses un peu bizarres. On lui demande des choses un peu niaiseuses. Mais Jésus est toujours assis là, il ne s'en va jamais. Le privilège de savoir qui est là. Le privilège de savoir qu'il nous a choisis pour être avec lui. Et le privilège de savoir qu'il nous enseigne. Et qui a une puissance phénoménale. On ne peut pas douter quand on demande quelque chose à Jésus. C'est la grande différence entre nous, les croyants, et d'autres mouvements religieux. Nous, on s'adresse à la puissance, pas à quelqu'un au côté de la puissance. Mais on s'adresse à la puissance même de Dieu. Jésus. On parle à lui directement, pas d'intermédiaire. La puissance de Dieu, on s'adresse à lui, Et cette puissance est disponible pour ce qu'on veut faire pour le servir. Donc, on ne peut pas douter. Si les choses n'arrivent pas, si les choses ne se font pas, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable. Voyons donc. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Si ça ne se fait pas, s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas le faire. Parce qu'il ne veut pas le faire. Pas parce qu'on n'est pas assez des bons chrétiens. Pas parce qu'on n'est pas assez gentil ou obéissant. Ben non. Il nous a donné la plus grande chose qu'il ne pouvait jamais nous donner. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu au moment de notre vie où ce qu'on était les plus poches. Je peux dire ça ici. On était des purs païens, pécheurs, contre Dieu. On touche Jésus, on se repent, puis on dit « Je te crois en toi ». Il nous donne la plus grande de toutes les choses, la vie éternelle. Pensez-vous qu'on n'était pas assez correct aujourd'hui pour qu'il fasse d'autres choses? Voyons donc. Le meilleur, il nous l'a déjà donné. Moi, je dis aux gens, tu recevras jamais autant que tu as déjà reçu. Jamais. Dieu ne peut pas jamais te donner quelque chose de plus que tu n'as pas déjà reçu. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. J'avais lu un homme un jour qui avait dit, vous savez, mais quand on monte au ciel, on va être moins surpris que le jour de notre salut. Ils allaient être moins surpris au ciel que le jour de votre salut. Parce que le plus grand miracle de votre vie, ce n'est pas de monter au ciel, c'est d'avoir été sauvé et transformé en enfant de Dieu pour l'éternité. Deuxième chose qu'on va regarder ensemble. Les disciples de Jésus sont heureux. Ah! Qui ne veut pas être heureux? Tout le monde veut l'être. Tout le monde veut être heureux. Les disciples de Jésus sont heureux. Et automatiquement, ça dit quoi? Que les autres sont malheureux. Ah. Jésus sépare le monde en deux. Il dit qu'il y en a qui sont heureux, puis il y en a qui sont malheureux. Le monde est divisé en deux. Pour Jésus, il n'y a pas de troisième place. C'est sa droite ou sa gauche. C'est brebis à sa droite. C'est les boucs à sa gauche. C'est le ciel, la présence de Dieu pour les gens à sa droite. Et c'est l'enfer, ceux à sa gauche. Il n'y a pas de milieu pour ça. Jésus dit, il y a des gens heureux, il y a des gens malheureux. Et comme vous vous attendez, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense. Verset 20. Alors Jésus, levant les yeux vers ses disciples. Excusez. Vers ses disciples. Je crois que Luc fait exprès ici pour éliminer la foule. Et il s'arrête aux disciples. Parce que Luc veut s'adresser à quelqu'un qui est un disciple, qui est Théophile. Il dit à Théophile, il s'adresse à toi, il s'adresse à ses disciples, des gens qui veulent t'instruire. Pas tous des croyants, mais des disciples. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera et qu'on vous outagera et qu'on vous rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Donc Jésus sépare le monde entier en deux parties. Un jour, j'ai fait une expérience avec ce texte-là. Heureux. J'ai pris le bout des heureux. Je suis allé voir les gens les plus pauvres que je connaissais. Je leur ai donné le texte. Je dis, voulez-vous lire ça, s'il vous plaît? Voulez-vous lire ce texte-là, ce que Jésus vous adresse à vous? Et on dit, c'est ça que Jésus nous dit, on va redire sa mère de Jésus. Ça m'a parlé pas mal fort, ça. Allez dire ça à un pauvre qui manque de nourriture et qui couche dehors. Allez lui dire ça. Allez lui lire le texte. Lorsque Jésus dit pour toi, heureux, pauvre que tu es, heureux, heureux, ta faim, t'es en train de crever de faim, mais heureux, chante, je réjouis-toi, danse, heureux, Jésus, t'es. Il dit, ouais, il n'y a pas un qui veut savoir ça. Il n'y en a pas un qui veut savoir ça. Si Jésus dit ça aux pauvres, dans le sens qu'on l'entend, hein, ils ne se réjouissent pas d'entendre ça. Puis je vous garantis, si vous étiez dans la cave quelque part, en train de crever de faim, puis quelqu'un venait vous lire ça ici, vous avez envie de lui cogner un bon coup sur la gueule. Ça ne calme pas personne de se dire ça. Parce que les autres sont dans la misère maintenant. Oh, il y avait une de mes tantes qui m'engageait quand j'étais jeune à travailler pour l'aider. Et puis, quand la première fois que j'allais, elle me disait, « Ah, merci beaucoup, François! Tu es très gentil! » J'avais à peu près 10-11 ans. « Merci! Je vais te récompenser la journée de tes noces! » Je la détestais. Moi, j'avais travaillé aujourd'hui, puis je voulais qu'elle me paye aujourd'hui! Vous voulez pas qu'elle me dise que quand je vais me marier, qu'elle va me donner quelque chose? Voyons donc! Et dire à un pauvre, tu vas crever de faim, c'est pas grave, mais un jour, tu vas aller au ciel. Ouais, ben le fun. Ben le fun. Parce que remarquez bien ici, Jésus ne leur dit pas qu'ils vont arrêter d'être pauvres. Tout ce qu'il leur dit comme côté bénéfique à ça, c'est le ciel, le royaume des cieux. C'est toujours le futur. C'est toujours le futur. Tu es dans un état de pauvreté maintenant, mais tu vas être heureux. Mais plus tard, ça va être là. Jésus n'a pas dit qu'il va résoudre le problème maintenant. Heureux êtes fous, vous qui êtes pauvres, vous allez posséder plus loin le royaume des cieux. Il va toujours parler au futur de récompense. Pas tout de suite. Vous savez, être pauvre, c'est très relatif. C'est relatif à être pauvre. C'est relatif parce que ça dépend avec qui tu te compares. Ça veut dire, peut-être d'entre vous qui dirait, moi je suis pauvre. Je suis bien convaincu que je pourrais trouver quelqu'un sur la terre qui dirait que tu es riche. Et si je me compare, moi François, avec quelqu'un qui a vécu au 2e siècle après Jésus ou au 3e siècle après Jésus, ils vont dire, mais vous êtes tous riches, ma gang, vous êtes au Québec. Mais autres, nous, on les regarderait et on ne voudrait pas aller vivre dans leur maison, comme ils vivaient dans ce temps-là. Puis peut-être les autres étaient déjà très à l'aise dans ce temps-là. Mais nous, on leur dirait, « Ah, on ne va pas aller vivre là. Allez, fais nos petits besoins dans une pécasse dehors quand on va se faire geler à moins 40. C'est du monde à l'aise, ça. On veut rien savoir de ça, nous autres. C'est du monde pauvre, ça. » C'est très relatif, la pauvreté, vous savez. Très relatif où tu vis, quand tu es au monde, dans quelle société que tu es. Aujourd'hui, nous, on pourrait dire, ces gens-là étaient pauvres, mais eux, ils disaient dans ça, ils disaient qu'ils étaient riches. C'est relatif à la pauvreté. Dans la Bible, un pauvre, ça veut dire quoi? Pour Jésus. Pour nous, aujourd'hui, quand les gens disent qu'ils sont pauvres, on veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les Québécois, quand on dit que quelqu'un est pauvre? On dit qu'il n'y a pas une grosse maison, il n'y a pas un gros char, il ne peut pas suivre la mode. C'est quoi ça veut dire, nous autres, quand quelqu'un est pauvre? On ne pense pas dans notre tête à un gars dehors puis qui crève de faim. Là. On ne pense pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus, les pauvres? Jésus dit, heureux, vous qui êtes pauvres. Parce que vous allez avoir quelque chose. Le royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui les gens vont pleurer, qui êtes tristes, vous allez être consolés. On vous déteste. On vous haït. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Personnellement, je crois qu'il faut embarquer ça ensemble ici. Si on ne comprend pas comme il faut, on a de la misère à l'interpréter, je crois. Pourquoi est-ce que c'est ça? Moi, je crois que le secret ici pour interpréter le texte est au verset 22. Quelle est la raison que Jésus donne pour leur pauvreté, pour leur tristesse? Quelle est la raison pourquoi Jésus parle de leur faim? Pourquoi il leur dit qu'ils vont être haïs? C'est quoi la raison de tout cela? Pas parce qu'ils sont pauvres parce que leurs parents étaient des drogués. Ils ne sont pas pauvres parce qu'ils ont bu toute leur paye. Leur pauvreté et leur faim et leur tristesse et cette haine qu'ils subissent vient de quoi? À cause de quoi? À cause de mon nom. À cause du Fils de l'homme. Si on ne garde pas ça en considération, le texte ne fera pas de sens hein, dans ma tête. Il s'adresse à ses disciples. Hein, il parle à ses disciples. Il dit, lorsque vous aurez faim, lorsque vous allez pleurer, lorsqu'on va vous haïr, lorsqu'on va vous persécuter, à cause de moi, soyez dans la joie. Parce que votre récompense va être terriblement grande. Terriblement grande. Il ne parle pas de la pauvreté, c'est à cause d'un tsunami qui passe. Oui, il faut faire de quoi pour cela aussi, là, c'est pas grave ça. Mais c'est pas ça qu'il parle ici. Là. C'est pour ça que je crois qu'il a restreint sa parole aux disciples qui suivaient Jésus et qui avaient déjà commencé à subir toutes sortes de choses à cause qu'ils étaient les disciples de Jésus. Les chapitres avant, on a vu que les gens se moquaient d'eux autres, les gens les riaient d'eux autres, les gens les attaquaient, les disciples de Jésus. Les gens attaquaient leur maître. D'accord? Jésus va dire plus loin, ils vont vous traiter de la même façon qu'ils m'ont traité. Ils m'ont haï, moi. Ils m'ont rejeté, moi. Ils vont vous faire la même chose. Mais il dit, soyez heureux si toutes ces choses-là arrivent à cause de moi. Parce que si vous êtes pauvre, que vous avez faim et que vous pleurez, ce n'est pas à cause de moi. C'est pas ça qu'il parle ici. Là. Parce qu'il parle. Il parle de ce qui va arriver à ses disciples qui le suivent. Il dit, à cause de cela, même dans ces moments-là, et si vous étudiez l'histoire de l'Église juste pour un petit bout de temps, juste les actes des apôtres qui ont duré juste 30 ans, vous allez voir qu'ils ont souffert de faim, ils ont souffert de nudité, ils ont souffert la prison, ils ont souffert la mort. Et Jésus, ils n'ont jamais, ou presque jamais, quelques exceptions à la règle, sauvés, ils sont tous morts. Ils sont morts par centaines de milliers. Jésus ne les a pas délivrés de leur faim. Jésus ne les a pas délivrés de leur détresse. Jésus ne les a pas délivrés de leur maladie. Jésus ne les a pas délivrés de rien. Ils sont morts parce qu'ils étaient des chrétiens. L'histoire nous dit, je ne sais pas si c'est vrai, l'histoire nous dit qu'il y a 50 millions de gens qui sont morts pour la foi en Jésus. Jésus ne les a pas délivrés. Ils sont morts. Jésus ne les a pas rempli le ventre. Ils sont morts. Sont morts. Mais il dit, réjouissez-vous, pas de la situation dans laquelle vous êtes, réjouissez-vous que votre récompense sera grande un jour. Parce qu'un jour, je vais venir pouvoir régler tout ça. En attendant, acceptez ça à cause de moi. À cause de moi. On va arrêter là. La semaine prochaine, on va regarder les malheurs qui sont juste au contraire des bonheurs, bien entendu. Prions ensemble pour terminer. Notre Père du ciel, j'avoue bien humblement que ce genre de bonheur-là, c'est... Je sais que c'est vrai. Je sais que ce que tu dis est vrai, Seigneur. Parce que tu es la vérité. Il y a une partie de moi qui veut un autre bonheur. Il y a une partie de moi qui recherche une autre sorte de bonheur. Seigneur, fais que je puisse toujours garder les yeux sur toi. Dans les moments les plus durs, les plus sombres, les plus noirs, de notre vie chrétienne, à cause qu'on te suit, à cause qu'on est tes enfants. Il y a bien des fois qu'on souffre, ce n'est pas à cause de toi. Mais quand on va souffrir pour toi, Seigneur, quand on va être jeté, quand on va être haï, de nous rappeler ces versets-là. Heureux es-tu, réjouis-toi, car un jour, dans le ciel, tu vas avoir un bonheur total, parfait, avec moi. On te remercie, Père éternel, d'avoir fait de nous tes disciples. Et on te demande que tu nous aides à vivre comme des disciples. Et c'est au nom de notre bien-aimé Maître que nous prions. Amen. On va chanter le dernier cantique, si vous voulez bien. Oui, tu es digne. Bonne semaine à chacun.